puisque là-bas vous êtes ses amis. Asseyez-vous et parlez-moi de lui. Il voulait voyager du sud au nord, et pour qu'il soit heureux, j'étais d'accord. Parlez-moi de lui. Sa vie et qu'il le sait. Vous a-t-il demandé